Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse à partir du souspressionpunk.com sur l'internet, mais aussi à partir des radios communautaires à Yellowknife, Ottawa et Iqaluit, alors le CIVR 103.5 FM à Yellowknife, le CHU 89.1 FM à Ottawa et le 107.3 FM CFRT à Iqaluit. C'est Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone de 60 minutes. On sera avec vous jusqu'à la fin de l'heure pour faire jouer du punk, ska, du hardcore francophone. On a commencé avec du Rix. Rix, un groupe de genre de oi punk de Paris avec des membres, des anciens membres de Marabout et de Lion's Law. Un groupe qui franchement ressemble à un blitz francophone. Un très bon groupe. Ils ont sorti un EP, le EP Couilles et Blessures qui est très excellent, et si vous pouvez vous le procurer, je vous le suggère très fortement. Mais je continue la musique avec Les Ordures Ioniques de leur plus récente EP, Kick la Cacane. C'est le morceau champion de l'évolution. Alors voici Les Ordures Ioniques à Sous Pression. Money! Let's go away. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression. On vient d'écouter du Nick à feu de leur album Lendemain de veille pour les pas fiables. C'était le morceau Dormir, Nick à feu, qui ont sorti aussi un EP en 2014 avec Fortune Cookie Club, qui s'appelle Mangeoir. Très excellent split, ça vaut la peine d'écouter. Du Pin Prick avant ça, avec le morceau Longtemps, Les Morts avec Travailler. Travailler, oui, c'est dur en hostie. Les Breastfeeders après, avant ça avec La Lune à blâmer de leur album Dans la gueule des jours. Avant ça, on a écouté L'Équipe avec le morceau Le cœur sur la main, tiré de leur démo qui est sorti en 2010. Du Zone Infini avant ça avec Les Éternels Retours, Brigada Flores Magon avec Identité. C'était une reprise du morceau de Camera Silence, cette chanson-là tirée de l'album Rock or Die, de l'album de Brigada. Et bien sûr, on a commencé avec Les Ordures Ioniques et le morceau Champion de l'évolution tiré de leur plus récent EP, Kick la Cacane. Alors, on est rendu à mi-chemin de l'émission. C'est le moment où je vous rappelle, bien sûr, que Sous Pression a un site web, c'est le souspressionpunk.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, aussi voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. De temps en temps, on met des infos concernant l'émission et aussi concernant le monde du punk, du ska et du hardcore francophone. À part ça, on a une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission et vous venir à jour avec tout ce qui se passe avec l'émission et aussi les dernières nouvelles du monde du punk, du ska et du hardcore francophone. Et si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez faire une demande spéciale, un commentaire, si vous voulez partager de la musique, envoyez-moi un message, c'est le info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com, ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Alors à ce point-ci, je vais faire jouer le bloc Sono Mondial, alors le moment de l'émission où je fais jouer deux chansons par un groupe qui chante ni en anglais ni en français. Je fais jouer un groupe italien, le groupe Bull Brigade, alors un groupe de Oi, hardcore un peu. Je fais jouer deux chansons de leur album Strade Smarite, encore je m'excuse là, la prononciation. Je fais jouer le morceau Strade Smarite et bien sûr le morceau Sous la colline. Alors voici du Bull Brigade à Sous Pression. C'è per lui, che cazzo ancora gli succederà? Adesso amici scivolare via, ha fatto così, immaginate mai, certezza è diventare una bugia, ha visto gioia diventare guai. E invece un giorno poi si accorge che ha un'altra faccia questa verità, contro gli amici ancora intorno a lui. Pensa alla vita quanti scherzi fa. E la vendetta inizierà così, ad abitare tre pensieri suoi, mentre ascolta l'unico CD che bastonava il cuore degli eroi. E ancora sognerà quel tempo che non tornerà, strade sparite nell'oscurità, ed ogni lacrima versata sa che lascerà segni che il tempo non cancellerà. Dietro di lui solo la nebbia, e notte solo sarà dentro il freddo che fa. Di periferia, l'ultimo treno se n'è andato già, come in una vecchia fotografia, rimane solo con la sua città. E allora pensa a quei momenti in cui bastava la presenza della più, sogna nemici tutti intorno a lui, e cade a braccio della sua tribù. E ancora sognerà quel tempo che non tornerà, strade sparite nell'oscurità, ed ogni lacrima versa. piacerà. Se chi del tempo non cancellerà mai più, mai più, mai più, mai più. Tua parola, quel tuo racconto gonfiava i tuoi occhi. mentre ascoltavo col troppo alla gola. Sulla collina il tuo sogno è caduto, ma nel mio cuore ha trovato dimora. E torna il vento a soffiare sul drappo che porta il braccio più sventola ancora. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me la mia sciarpa, tesa sotto alla pioggia, qui con me questo sentimento che spezza le vene dentro me. glisser dans les abîmes de la ville. Je sais juste pas comment te dire. Mais le temps passe, mais ne revient jamais. Le monde est surtout tellement trop grand. Car je ne veux surtout pas m'arrêter en chemin. Et je ne peux pas non plus être responsable de ma chute. Salut, on vient d'écouter Scuds and Panic People de leur album Lâcher les bombes. C'était le morceau Partisan. Avant ça, du Puta Vélo, de un EP sorti en septembre 2014. C'était le morceau Antérine du Puta Vélo, un groupe de genre de rock garage punk de la France qui vont sortir un album. Je me rappelle plus quand, devrait sortir pas trop longtemps là, sur un label québécois. Ah, le nom m'échappe là. Le jeu d'art d'un caf. En tout cas, mais Puta Vélo, très bon groupe. Du Asphalt avant ça, avec le morceau Enterre-toi vivant. Poésie Zéro, avec le morceau La crise du disque. Avant ça, du Distance critique, avec le morceau Comment te le dire. C'est la première fois que je fais jouer du Distance critique en ondes. Je les connais depuis pas très longtemps, alors c'est super bon. Ça vaut la peine d'écouter, un groupe québécois. Et avant ça, du Bon Vivant, de leur split avec le groupe de London, Ontario, le groupe Snacks. C'était le morceau Fée du Calvaire et du Bon Vivant. Ils vont sortir ce split-là. La première chose qui sort depuis, je pense, mais comme 2013, 2012, avec quand ils ont sorti leur EP Haute la Marque, tout dans les yeux. Et on a commencé le bloc avec du Bull Brigade, les morceaux Stradé, Smarité et le morceau Sous la Colline. Alors, j'ai le temps de faire jouer une dernière tune. Je vais faire jouer du Ultra Pterodactyl de leur plus récente EP, Sludge Pop. Le morceau la dernière fois du Ultra Pterodactyl. Tout leur morceau, leur discographie, je crois, est disponible sur leur site Bandcamp. J'imagine c'est ultrapterodactyl.bandcamp.com ou quelque chose de même. Ça vaut la peine de checker. Super bon groupe. Alors voici, je vais terminer avec ça. La dernière fois par Ultra Pterodactyl de leur EP, Sludge Pop, à sous pression. Au revoir.